J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. L'humanité, 21 septembre 1925. La révolution d'abord et toujours. Plus encore que le patriotisme, qui est une hystérie comme une autre, mais plus creuse et plus mortelle qu'une autre. Ce qui nous répugne, c'est l'idée de patrie qui est vraiment le concept le plus bestial, le moins philosophique dans lequel on essaie de faire entrer notre esprit. Nous sommes certainement des barbares, puisqu'une certaine forme de civilisation nous écœure. Partout où règne la civilisation occidentale, toute attache humaine ont cessé à l'exception de celle qui avait pour raison d'être l'intérêt, le dur paiement au comptant. Depuis plus d'un siècle, la dignité humaine est ravalée au rang de valeur d'échange. Il est déjà injuste, il est monstrueux que qui ne possède pas soit asservi par qui possède. Mais lorsque cette oppression dépasse le cadre d'un simple salaire à payer et prend par exemple la forme de l'esclavage que la haute finance internationale fait peser sur les peuples, c'est une iniquité qu'aucun massacre ne parviendra à expier. Nous n'acceptons pas les lois de l'économie ou de l'échange. Nous n'acceptons pas l'esclavage du travail. Et dans un domaine encore plus large, nous nous déclarons en insurrection contre l'histoire. L'histoire est régie par des lois que la lâcheté des individus conditionne, et nous ne sommes certes pas des humanitaires, à quelque degré que ce soit. Plaçant au-devant de toute différence notre amour de la Révolution, déclarons ce qui suit. Premièrement, le magnifique exemple d'un désarmement immédiat, intégral et sans contrepartie qui a été donné au monde en 1917 par Lénine à Brest-Litovsk. Désarmement dont la valeur révolutionnaire est infinie, nous ne croyons pas votre France, capable de le suivre jamais. Deuxièmement, en tant que, pour la plupart, mobilisables et destinés officiellement à revêtir l'abjecte capote bleu horizon, nous repoussons énergiquement et de toute manière pour l'avenir l'idée d'un assujettissement de cet ordre, étant donné que pour nous la France n'existe pas. Troisièmement, il va sans dire que dans ces conditions, nous approuvons pleinement et contresignons le manifeste lancé par le Comité d'action contre la guerre du Maroc, et cela d'autant plus que ses auteurs sont sous le coup de poursuites judiciaires. Quatrièmement, prêtres, médecins, professeurs, littérateurs, poètes, philosophes, journalistes, juges, avocats, policiers, académiciens de toutes sortes, vous tous signataires de ce papier imbécile, les intellectuels aux côtés de la patrie, nous vous dénoncerons et vous confondrons en toute occasion, chien dressé à bien profiter de la patrie. La seule pensée de cet os à ronger vous anime. Nous sommes la révolte de l'esprit. Nous considérons la révolution sanglante comme la vengeance inéluctable de l'esprit humilié par vos œuvres. Nous ne sommes pas des utopistes. Cette révolution, nous ne la concevons que sous sa forme sociale. S'il existe quelque part des hommes qui aient vu se dresser contre une coalition telle qu'il n'y ait personne qui ne les réprouve, traître à tout ce qui n'est pas la liberté, insoumis de toutes sortes, prisonniers de droit commun, qui n'oublient pas que l'idée de révolution est la sauvegarde la meilleure et la plus efficace de l'individu. Georges Altman, Georges au Couturier, Jean Bernier, Victor Krast, Camille Fegui, Marcel Fourier, Paul Guittard, Jean Montrevel, Camille Goemans, Paul Nouge, André Barsalou, Gabriel Borois, Émile Benveniste, Norbert Guterman, Henri Jourdan, Henri Lefebvre, Pierre Morange, Maurice Muller, Georges Pulitzer, Paul Zimmermann, Maxime Alexandre, Louis Aragon, Antonin Artaud, Georges Bessières, Moni de Bouly, Joé Bousquet, André Breton, Jean Carive, René Crevel, Robert Desnos, Paul Éluard, Max Ernst, Theodor Frenkel, Michel Léris, Georges Limbourg, Mathias Lubeck, Georges Malkin, André Masson, Douchamp, Matiche, Max Moiriz, Georges Neveu, Marcel Knoll, Benjamin Perret, Philippe Soupeau, Dédé Sunbim, Roland Tual, Jacques Viau, Herman Clausen, Henri Janson, Pierre de Massot, Raymond Queneau, Georges Ribemont-Dessaigne.